temps. Mais non, tu résistes, tu te sens. T'as des rêves plein la tête. T'as besoin de vacances, mais tu dois finir ta maquette. T'aimes bien le sud de la France, tu t'y sens comme chez toi ou presque. Jour de l'an à Barcelona, ça reste dans ta tête. Mais le temps est à la dèche. No money, no fresh. Tant qu'il y a la santé, ça va tourner, garde la pêche. Je veux m'évader à la mer et les vents qui me convient. Y'en a marre, mais le mal me contient. Pas la peine, j'ai l'appel de la rime à la vie, à la mort, mon combat le vaut bien. Je veux les îles Canaries comme destination. Se barre demain, c'est le festival. Pas besoin de parapluie ou de festina. Allez vite dans l'avion, pas de madame, monsieur, nous allons décoller. Attachez vos ceintures et ça va décoiffer. Ne y'a pas de mi-mesure, une question de misère. Coup de courrier, t'as dû faire, t'as dû jouer, t'as dû faire. Température élevée, la vie d'un local, le soleil et le vent, allez bien à la ville. La vie de détente, sur la plage, la descente. S'évader de nos soucis, de nos peines. Quitter la vie du ghetto. D'ici ou d'ailleurs, on reste les mêmes. Personne ne nous fera défaut. S'évader de nos soucis, de nos peines. Quitter la vie du ghetto. D'ici ou d'ailleurs, on reste les mêmes. Personne ne nous ici y a de l'espoir et ailleurs y a nos rêves. Alors marquons notre histoire à l'aide du bout de nos lèvres. Notre ère a commencé, les garçons ont commencé. Au Max Prod pour vous servir, voici Dabs et TRAC. MKC au commandant d'une prise, l'affaire sera classée. À repenser à la magie de la musique, j'en ai le sang glacé. J'ai fait un rêve, je nous ai vus sur le devant de la scène. Je me suis vite demandé à créer une prod pour que je la saigne. Ici ou ailleurs, les objectifs restent les mêmes. Afin de nourrir nos thèmes, soutenu par nos proches et les gens d'ici ou d'ailleurs. C'est mon détecteur simple et je serais un voyageur. Vous poussez par les nôtres, poussez par la passion des popos. Et le bilan, notre enseigne a pris beaucoup de galons. Avance, mais bobo boy, que te rassurez-vous, on a le bras long. Je préfère partir la tête haute que de me faire shooter comme un ballon. S'évader de nos soucis, de nos peines. Quitter la vie du ghetto. D'ici ou d'ailleurs, on reste les mêmes. Personne ne nous fera défaut. S'évader de nos soucis, de nos peines. Quitter la vie du ghetto. D'ici ou d'ailleurs, on reste les mêmes. Personne ne nous fera défaut. Je m'évade avec un concentré de caisse claire. Un synthé, un stylo, un micro et je me laisse faire. J'ai appris à prendre mon envol sans kérosène. Parce que je me sens pousser des ailes quand je suis sur scène. C'est ma Cindy, à Paname. On cherche l'oseille, t'es en justice à la barre. Tu perds le sommeil, n'en faut pas trop dramatiser. Viser la vie de rêve, on vient d'ici et d'ailleurs. Et non, on passe sans trêve. S'évader de nos soucis, de nos peines. Quitter la vie du ghetto. D'ici ou d'ailleurs, on reste les mêmes. Personne ne nous fera défaut. S'évader de nos soucis, de nos peines. Quitter la vie du ghetto. D'ici ou d'ailleurs, on reste les mêmes. Personne ne nous fera défaut. Yeah. D'ici ou d'ailleurs, on reste les mêmes. Track, Dabs, FK Prod.